Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour et bienvenue dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport. Moi c'est Cécile et aujourd'hui je reçois Sarah, Clara et Lou pour parler sport et scolarité. Allez c'est parti! Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à comment articule-t-on sport et scolarité avec nos trois invités. Bonjour Sarah, bonjour Clara, bonjour, et bonjour Lou. Alors Lou, je m'excuse, je vais commencer par le collège, ça te rappellera peut-être des souvenirs, t'interviens quand tu veux, si tu veux, mais je commence par les filles, donc je vais commencer par Sarah. Sarah, tu as 11 ans et donc tu es en quelle classe? 6e. Dans quel collège? Saint-Dominique. Et tu pratiques quel sport? Je pratique le triathlon, la natation et un peu de course à pied. Alors le triathlon, tu nous rappelles ce que c'est? Le triathlon, c'est un sport avec trois disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. D'accord. Et depuis combien de temps tu fais ça, tout ça? Alors, la piscine, ça fait... J'ai commencé, enfin pas en club, mais sinon j'ai commencé à nager à mes 4 ans. Enfin vraiment. Sinon en club, 6 ans et 5 ans et au triathlon, à mes 6 ou 7 ans. D'accord. Donc tu es licenciée dans trois clubs, la SPTT Nancy Natation, le TNL, Triathlon Nancy-Lorraine et Vendreuvre Athlétisme. Ça c'est te ça. Fait combien d'entraînements par semaine tout ça? Alors, la natation, j'en ai 4. Et puis pour la course à pied, j'en ai 1. Mais normalement, il y en a 2, mais j'y vais pas à celui du vendredi. Et le triathlon, je peux pas y aller parce que la natation prend le dessus. D'accord. Alors, 4 entraînements de piscine par semaine, montre-moi tes doigts. Ah non, ils sont pas palmés. Voilà, donc tout va bien. On va poursuivre avec Clara. Donc Clara, t'as 15 ans. Oui. Donc tu es en quelle classe? 3e. En 3e, dans quel collège? Émile Gallet. Et tu pratiques la gym à l'ALB, donc l'amicale laïque brosselette de Vendeuvre, depuis que tu as... Je suis à Vendeuvre depuis que j'ai 10 ans, mais j'ai commencé la gym à Tomblaine à 3 ans et demi. 3 ans et demi, donc t'as appris à faire des saltos avant de savoir faire du vélo. Oui. Ça te fait combien d'entraînements par semaine, toi, pour les gym? Actuellement, 3 entraînements de 3 heures. 3 entraînements de 3 heures, donc 9 heures par semaine. Oui. C'est assez conséquent quand même. Oui. Donc notre troisième invité, Lou, on dit bonjour quand même. Donc Lou, aujourd'hui, t'es la doyenne, t'as pas 13 ans, t'as... 21 ans. Voilà, 21 ans. Donc je te demande pas dans quelle classe t'es. T'es en quatrième, mais pas au collège, en quatrième année de odontologie, c'est ça? Oui, c'est dentaire. Ça, c'est la fac dentaire. Voilà, et ton sport, c'est la course à pied? C'est le demi-fond. Le demi-fond, ouais, même un peu plus, puisque ça va jusque 10 000. Oui, ça va 10 km route. Ouais, c'est plus du demi-fond, c'est parfois. Du fond complet. Et donc dans quel club? Nancy Athlétisme Métropole. D'accord, donc on va te passer tout de suite à la première question. Défi sport sur Fadjet. Ça va être pour les filles qui sont au collège. Donc jusqu'à l'entrée au collège, il n'y a pas trop de sujets, je pense. Le sport, c'est extrascolaire, c'est un ou deux entraînements maximum par semaine. Souvent le mercredi ou le samedi, c'est-à-dire des jours où il n'y a pas d'école. Et puis c'est papa-maman qui nous emmène. Donc ensuite, le collège, ça se corse un peu. Il y a plus de devoirs, des horaires irréguliers, on s'éloigne un peu de la maison, donc des temps de trajet à prendre en compte. On devient un peu grande. Alors ma première question, c'est est-ce que ça a été un peu compliqué à gérer au début, l'entrée au collège, le changement de rythme par rapport à l'école primaire, c'est plus des horaires réguliers, c'est plus des jours réguliers, et puis avec tout ça, les entraînements. Donc Sarah, par exemple, toi, une journée école-entraînement, ça se passe comment? Bah ça se passe bien, après c'est comme les journées d'avant, du coup, primaire. T'as des horaires réguliers? Tu quittes tous les jours à la même heure? Non. Non? C'est plutôt le matin, mais souvent je termine soit à 15h ou à 15h25 ou à 16h35, sinon pas au-delà. Pas au-delà. Et tu t'entraînes plutôt le matin ou plutôt le soir? Le soir. Et on t'emmène ou tu y vas tout seul aux entraînements? Et on m'emmène. On t'emmène aussi. Et toi Clara, une journée type école entraînement? Ça dépend parce que le mercredi j'ai pas cours l'après-midi du coup. Donc c'est vraiment l'entraînement, il est sur toute l'après-midi. Mmh. Sinon, du coup, je vais en cours à 8h du matin. Je termine soit à 15h. Et après, je vais à la gym. Enfin, je rentre chez moi, je prépare mes affaires et je vais à la gym. D'accord, donc t'as un petit temps pour être à l'heure. Donc il n'y a pas de problème de retard pour articuler l'entraînement, la gym, ça se passe bien. Oui. Et puis, c'est toi qui vas toute seule ou tu te fais emmener? Je me fais emmener la plupart du temps, mais des fois, s'il n'y a personne, j'y vais en bus. T'arrives à y aller en bus. Donc toutes les deux, vous avez beaucoup d'entraînement. Est-ce que vous n'êtes pas fatiguées quelquefois? Sarah, la piscine, ça fatigue. Clara, 6-8 heures de cours avec, on se dit qu'il y en a 3 heures d'entraînement derrière. Bah, c'est fatigant, mais après, faut avoir le rythme et on s'habitue. On s'habitue? Et toi, Sarah? Pareil. T'es pas trop fatiguée? Bah, ça dépend si la journée... par exemple, des fois, quand j'ai 2 heures de sport, je peux être fatiguée, mais sinon... Pas du tout? Non. Tu t'es jamais endormie en cours? Non, ça va. Est-ce que vous avez déjà eu des remarques des profs? Alors, pas sur les retards, vu que vous avez pas de retard, mais par exemple, en disant « Ouais, y a pas que le sport dans la vie, faut s'occuper des cours un petit peu, faudrait penser un petit peu à ce qui se passe en cours et pas que au sport. » Non, ça se passe bien? Bah, honnêtement, j'en ai pas spécialement, parce que comme je travaille aussi bien en cours, bah, du coup... comme j'arrive à gérer les deux, bah, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de remarques. Ouais. Vos profs, ils sont au courant que vous faites autant de sport, entre guillemets, que vous avez des entraînements, que par rapport à vos autres camarades, vous avez 3 heures d'entraînement le mercredi, par exemple, et que vous n'avez pas toute l'après-midi pour vous reposer? Non. Non, vous ne discutez pas. Et toi, Sarah, tu as prévenu? Non, c'est juste que le prof de sport, il est un peu au courant. Et donc les devoirs, quand vous êtes les entraînements le soir, ça se passe comment les devoirs? Parce que c'est pareil, on rentre de l'entraînement, les devoirs ils sont déjà faits, vous les faites en perme pendant la journée? Non, moi personnellement je les fais le week-end, je fais les devoirs pour toute la semaine, et s'ils en rajoutent, bah globalement je me réveille plus tôt pour les faire. Plus tôt pour les faire. Et toi, Clara? Bah moi c'est quasiment pareil, je m'avance le week-end, après si jamais du coup ils en redonnent, j'essaye de m'avancer pendant les cours. Sinon, bah, quand je rentre chez moi avant la gym, j'en ferai un maximum possible. Ou quand je rentre, bah, je termine. Alors, on dit que vos parents, ils vous écoutent pas, d'accord? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de bâcler quand même un petit peu un devoir en disant j'avais une compétition ce week-end et j'ai une rédaction, on me l'a donnée il y a une semaine, mais je l'ai pas faite et là, j'ai plus le temps, donc je vais faire vraiment le minimum syndical? Oui, clairement. Hein? Oui, clairement. Oui. Et toi, Sarah, non, t'es sérieuse tout le temps? Ah oui, une fois c'était un exercice de maths et il y avait quelques calculs, j'ai mis au pif parce que... Et t'as eu la chance? C'était juste au pif ou pas? Les 3 premiers, il y en avait 4 et l'an dernier c'était complètement... C'était faux. Ouais, ça arrive. Les copains et les copines, est-ce que vous n'avez que des copines qui font du sport? Non. Non? Pas du tout. Des copines qui ne font pas de sport du tout? Oui. Oui? Non, toi, t'as que des copines qui font du sport? Non, il y en a qui en font pas, il y en a qui en font. Et celles qui en font, elles font le même sport que toi ou pas? Non. Non? Des copines de tout sport? Oui. Voilà. Par exemple, Clara, t'as fait notamment un podium par équipe au Trophée National Fédéral A en 2022, championne interdépartementale individuelle en 2023, départementale en 2024. Tu rentres le lundi, tu t'en parles pas du tout? Bah, non, parce que... Non. Elles le savent pas, tes copines, que t'as des titres? Si, elles le savent, mais... en fait, je sais pas, on n'en parle pas spécialement. Non, elles te disent pas, oh, c'est bien, c'est si, drôlement, si, quand même, mais après, t'as de la chance. Après, elles me disent plus ça par message quand ma compétition, elle est finie. Oui. Quand on se revoit... Quand on se revoit, c'est passé, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Il y en a pas qui se disent, ah bah tiens, j'aimerais bien faire pareil, ça a l'air sympa. Ou tu nous saoules, c'est bon, on en a marre de tes médailles. Non. Non, non, ça reste sympa. Vos profs, sinon, donc qu'est-ce qu'ils disent vos profs de sport, surtout? Mon prof de sport, il sait que je fais de la gym, mais je sais pas, on n'en parle pas spécialement. Enfin... Et donc, il s'intéresse pas non plus à tes résultats, lui? Si, mais... Bah, en fait, il s'intéresse que s'il est au courant, mais après, sinon... Il te demande pas? Bah, quand il sait que j'ai une compétition. Sinon... Ah, d'accord. Et quand t'as le cycle gym, par exemple, au collège, donc tu vas être au-dessus un peu de tout le monde, qu'est-ce qu'il dit? Il te demande de montrer, Oui, bah, je l'ai fait l'année dernière, et je devais montrer, du coup, tous les exemples, et... ouais, voilà. Et du coup, j'ai aidé la plupart des gens qui étaient en difficulté, etc. D'accord. Il y en a pas qui sont jaloux, ou des garçons, je veux dire, qui arrivent pas à faire, et puis qui disent, ouais, elle nous énerve. Non. Ça pète un peu, quoi. Non. Non. Et toi, Sarah, quand c'est piscine? Bah oui, parce que le tout premier jour, il a demandé à tout le monde qu'est-ce qu'on faisait comme sport. Et quand j'ai dit triathlon, il me fait, oui, mais c'est pas... C'est une compétition, ça. C'est un sport. Et du coup, je lui explique parce que bah, lui, il pensait que c'était triathlon de l'athlète. Et sinon, bah, à la piscine, par exemple, j'ai dû montrer tous les exercices qu'il y avait à faire. Et quand, par exemple, on avait l'évaluation, il fallait pendant 6 minutes, ou que j'avais terminé l'exercice, bah, je pouvais nager pendant que les autres terminaient. D'accord. Et donc, bah, j'imagine que tu bats des garçons aussi à la piscine. Ça va? Ils sont pas trop jaloux? Non. Non. Ils sont contents quand même? Mouais, bof. Sinon, dans une classe, donc vous, vous avez des copines qui font du sport, des copines qui font pas de sport, et il y a toujours des élèves qui n'aiment pas du tout le sport. Et puis, bon, bah, c'est normal, hein, chacun ses passe-temps, et ses loisirs. Et il y a des élèves toujours qui essayent d'en faire le moins possible, j'ai oublié mes affaires, j'ai pas fait mes lacets, j'ai mal aux pieds, je voudrais m'arrêter. C'est quoi votre avis sur ces élèves-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi j'en ai pas eu trop, mais si par exemple on me dit oui, lui il a voulu faire ça, après s'il aime pas, il aime pas. Enfin. Qu'il aime pas le sport, mais quand il y a piscine, ah, j'ai oublié mon maillot de bain, puis le coup d'après j'ai oublié ma serviette. Ça, je trouve que c'est un peu abusé parce que du coup le prof il fait cours et... Oui, c'est un peu irrespectueux en fait. Ouais. D'accord. Et toi Clara, t'en penses quoi? Ouais, pareil, c'est un peu irrespectueux, mais après, je sais qu'il y en a qui ont des dispenses, mais des fois... J'ai l'impression qu'ils ont des dispenses toute l'année, mais sinon après, moi honnêtement dans ma classe, il y a quand même un moment où ils vont finir par faire. Ils vont le faire. Oui. Voilà. Mais bon, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de les motiver ou bon, ils font ce qu'ils veulent quoi. En fait, honnêtement, je vais pas forcer quelqu'un qui aime pas. Si jamais il aime pas faire. Par exemple, demi-fond, bah, je vais pas le forcer. Tu lui dis pas, allez, viens, on termine quand même. Bah, j'essaye, mais après, s'il veut pas. On va pas insister non plus, hein. C'est pas toi le coach. Hein. Voilà. Alors, on va faire une petite pause musicale choisie par Clara. T'as une petite dédicace? Non, pas du tout. C'est une musique que j'aime. C'est une musique pour toi-même. Une dédicace à toi-même. Voilà. There's always that one person that will always have your heart. You never see it coming cause you're blinded from the start. Know that you're that one for me. It's clear for everyone to see. Ooh, baby. Yeah. You gotta rock and wait in this one. Come on. See, I don't know about y'all, but I know about us. And it's the only way we know how to rock. I don't know about y'all, but I know about us. And it's the only way we know how to rock. Do you remember, girl? Was the one who gave you your first kiss. Cause I remember, girl, I was the one who said, put your lips like this. Even before all the fame and people screaming your name, girl, I was there and you were my baby. It started when we were younger, you were mine. Now another brother's taking over, but it's still in your eyes. About us. about y'all, but I know about us. And it's the only way we know how to rock. Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Alors, de retour dans Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport, hein, où aujourd'hui on parle sport et scolarité avec Sarah, Clara et Lou. Sarah et Clara, vous avez bien travaillé, donc vous êtes autorisées à passer dans la classe supérieure, enfin même on va passer directement aux études supérieures avec Lou. Mais déjà, pour situer un peu la part du sport dans les études supérieures en quelques chiffres, on accueille Lise pour la Minute Lise. Défi Sport sur Fadjet, exclusivement consacré au sport féminin. Bonjour Lise, alors on t'écoute pour la Minute Lise. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir les statistiques, le sport dans les études. Alors dans un premier temps, on va le constater au collège. Donc selon l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, qui a sorti des statistiques pour l'année de 2023, on peut constater que 82% des adolescents de 13 ans ou 14 ans font au moins une fois du sport par semaine en dehors de l'EPS. 78% ce sont des femmes, 87% ce sont des garçons. Les femmes font majoritairement de l'équitation et les hommes plutôt du foot. À noter également qu'il y a 50% qui sont licenciés dans un club et 40% font de la compétition, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, quand on passe aux études supérieures, quand on a la vingtaine, 87% des jeunes continuent de pratiquer du sport, notamment du fitness. Mais il y en a tout de même qui sont licenciés dans des clubs, 40%. Ensuite, il faut noter que parmi ces 87% des jeunes qui pratiquent encore du sport pendant les études supérieures, 58% sont des femmes, 62% sont des hommes. Et les hommes pratiquent majoritairement en compétition. Concernant les sportifs de haut niveau, donc c'est-à-dire ceux qui sont sur liste ministérielle, on en décompte 16 242 en tout, dont 7 489 qui sont espoirs, c'est-à-dire qui ont en dessous de 23 ans. Parmi eux, donc sur ces 7 489 personnes, 3000 sont étudiants, ce qui est très peu. Concernant notre université de Lorraine, il y a 254 étudiants sportifs de haut niveau sur 62 000 étudiants qui représentent 37 disciplines différentes. Et pour conclure, il faut savoir que sur la majorité des gens interrogés sur leurs pratiques sportives, 9% le font pour la performance. Et la première contrainte qu'ils rencontrent sont des contraintes d'ordre professionnel et scolaire. Merci Lise pour cet éclairage. On va pouvoir maintenant aborder les études supérieures vues de l'intérieur des 44% de licenciés avec Lou. Donc rebonjour Lou. Lou, tu es coureuse de fond et de demi-fond. Le collège-lycée, c'est derrière toi puisque tu es en quatrième année d'études dentaires. Je rappelle qui compte combien d'années ? 6 ans en tout. 6 ans en tout, en fait, t'es bientôt dans sa sortie d'affaires. Ça bientôt, va aller. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, pour accéder aux études dentaires, depuis 2010 et la réforme des études de santé, on doit passer par le concours PACES. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le concours PACES, c'est le concours de première année commune aux études de santé, qui permet d'accéder aux études de médecine, pharma, dentaire, kiné, sage-femme, etc. C'est un concours hyper sélectif et c'est one shot, vu qu'on n'a plus le droit de redoubler. Et donc, toi, tu as fait le choix de mettre l'athlée entre parenthèses pendant cette année-là. C'est ça. Voilà. Donc comment est-ce qu'on prend cette décision quand ça fait plus de 10 ans que la pratique sportive fait partie de son quotidien ? Est-ce que c'est une décision difficile à prendre ? Est-ce que c'est clair dès le départ ? Ou est-ce qu'on hésite en se disant ça peut passer ? Ou est-ce qu'on se dit allez, je sacrifie une année, je me rattraperai ensuite ? Comment ça se passe ? Au début, je comptais aviser et voir pendant l'année si je pouvais réussir à continuer à faire du sport. Et au final, j'étais pas une grande travailleuse au lycée. Du coup, cette première année, elle a été vachement compliquée pour moi. J'ai dû apprendre à vraiment apprendre les cours et enfin, c'était pas facile. Et du coup, j'ai bien vu que je pouvais pas continuer à faire beaucoup de sport. Donc, j'ai réduit au fur et à mesure. Et il y a même des moments où j'arrivais plus à en faire, mais je savais que c'était temporaire. Et du coup, c'est ça qui m'a permis de tenir. Je savais les études dans lesquelles je voulais aller. Et je me suis dit, c'est un an, donc je me suis mise dans un tunnel et, voilà. Et j'ai attendu la fin. J'ai attendu la fin. Par contre, la décision t'es pas prise dès le départ. C'est pas je me concentre une année sur les études, c'est t'as essayé de tenir, mais t'as vu que visiblement c'était compliqué. Oui, c'est ça. Donc j'ai pas repris de licence parce que je savais que j'allais dans tous les cas pas m'entraîner énormément et que ça allait pas être utile. Donc je courais de mon côté assez régulièrement au début et après j'ai arrêté petit à petit. On fait comme on peut. Alors, je lis que selon une enquête de l'UNECD, étudiants en chirurgie dentaire, un tiers des étudiants en odontologie sont stressés, anxieux, voire dans un état dépressif, en cause notamment l'évaluation constante des travaux pratiques dont l'exigence des enseignants pèse sur le moral des futurs dentistes. Donc on imagine des étudiants tout pâles, l'œil hagard, le poil terne, tout ça. Et moi, c'est pas du tout ce que je vois en face de moi. Hein, t'as les cheveux soyeux, brillants, voilà. Le regard pétillant. Je lis également 3e place avec les copines, donc par équipe, au demi-finale de championnat de France de cross-court. 4 minutes 47 et 90 centièmes au 1500 mètres de Cergy-Pontoise. 38-10 au 10 km de la Saint-Nicolas à Nancy. Donc il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est comment tu fais ? Je fais des sacrifices un peu sur mes cours. On va le dire comme ça, mais c'est vrai que je révise beaucoup moins que mes camarades. Les soirs, souvent, ils continuent à réviser, mais moi, je me permets de prendre cette liberté de continuer à faire du sport. Du coup, c'est vrai que ça se ressent dans mes résultats. Je suis pas du tout dans les meilleurs de ma promo. J'ai souvent beaucoup de rattrapage, plus que la plupart des gens. Mais je dirais que c'est un équilibre. Et c'est comme ça. Mieux, quoi. Voilà. Oui, ouais. Je le vis mieux comme ça. Doucement, mais sûrement. Quoi. C'est ça. Voilà, t'as trouvé l'équilibre. C'est quoi ta journée type à toi, cours, entraînement ? Alors cette année, c'est ma première année où on est externe des hôpitaux de Nancy. Donc je suis la moitié de la semaine à l'hôpital, soit à Centrale, soit à Brabois. Et on prend en charge des patients. Donc sur ces journées-là, c'est du 8h30, 17h30. Et après, je vais direct à l'entraînement. Donc et... c'est pareil que pour les filles, t'es pas trop fatiguée après une journée de soins, tu renchaînes l'entraînement derrière. Ça va. Au début, c'était assez fatigant parce que on n'a pas l'habitude du rythme à l'hôpital, tout ça. Mais maintenant, ça va. On finit par prendre le rythme. Finalement, ça se passe bien. Ça se passe bien. Tu le vis bien. Tu le vis bien et les notes, ça passe. Ça va. C'est de justesse, mais ça passe. Ça passe toujours. La première année, on a dit que c'était très dur. Est-ce qu'une fois passé cette première année, on est sorti d'affaires et donc le sport, on l'a repris comme avant, mais c'est un petit peu dur quand même. T'as repris progressivement le sport ou tu t'es dit, allez, c'est bon le sport et puis bon, on rattrapera, on fera ce qu'on peut pour les cours. Moi je me suis dit que c'était la première année et après ça allait être simple. Bon, au final, c'est pas trop ça. Il y a encore des années compliquées, mais maintenant je fais passer beaucoup le sport avant. Du coup, dès la fin de la première année, en deuxième année, j'ai repris beaucoup le sport, plus qu'avant. Je m'entraîne beaucoup plus qu'avant. Je suis dans un groupe, c'est la team VTN au sein du NAM. Et on s'entraîne beaucoup et on fait pas mal de compétitions. Et c'est vrai qu'avant ça, j'avais pas autant le goût de la compétition et des entraînements. Je m'entraînais beaucoup moins. Et finalement, ça se passe bien. Bon, c'est bien, tu le vis bien. Et donc, du coup, tu dis que tu priorises le sport par rapport aux études. Mais alors, du coup, pour ton insertion dans le monde du travail, comment tu comptes gérer ça ? Est-ce que tu vas lever le pied au niveau sportif ou est-ce qu'au contraire, tu penses que tu vas rechercher une voie professionnelle, enfin une pratique professionnelle qui va être compatible avec ta pratique sportive ? Je sais pas encore comment je vais faire. J'y réfléchis pas mal en ce moment, mais... Je pense que je vais justement adapter mes horaires. Enfin, j'ai la chance dans mon futur métier. On est 90% des chirurgiens dentistes à finir en libéral et moi, c'est ce que je voulais. Donc, quand on est en libéral, on peut choisir ses horaires. C'est libre. Donc, c'est ça. Je vais être libre, je vais pouvoir faire les horaires que je veux. Donc, en soi, je vais pouvoir les adapter à mes entraînements en fonction d'où je suis. D'accord. Donc, aujourd'hui, si on te demande, ça va continuer à être le sport d'abord et les dents plus tard. Les dents ensuite. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, merci toutes les trois. Avant de conclure, une question subsidiaire. Qu'est-ce que vous pensez chacune des autres témoignages ? Donc, les filles, après avoir entendu Lou, concernant les études supérieures, est-ce que d'entendre dire quelqu'un qu'on peut concilier sport et études supérieures, ça vous rassure ou vous aviez aucun doute là-dessus ? J'avais aucun doute là-dessus. Je pensais que c'était plus simple. Plus simple ? Tu pensais que c'était plus simple quand même ? Et toi, Clara ? Je pensais que ça allait aller, mais ça me rassure quand même parce que je me suis dit il y aura quand même certaines décisions à prendre en fonction les cours et le sport en plus. D'accord. Alors moi j'ai une petite dédicace également parce que j'entraîne les poussins à l'athlétisme le samedi et à la fin de l'année systématiquement les mamans viennent me voir quand je demande qui continue l'année prochaine en me disant J'aimerais bien qu'elles continuent, mais j'ai peur que ça soit compliqué avec l'entrée au collège. Est-ce qu'elles vont réussir à suivre? Donc, Sarah, est-ce que tu peux me lire la petite feuille, s'il te plaît? Moyenne générale de l'élève, 14,4. Encouragement. Excellent de par ses résultats et son comportement, Sarah a été un élément moteur en EPS ce trimestre, doit poursuivre ainsi. D'accord, et tu peux nous dire ce que c'est ça? Bah, du coup, je pense que c'est l'appréciation de mon prof d'EPS de mon bulletin de ce trimestre. Ton dernier bulletin, voilà. Donc, c'est pour rassurer les parents, il n'y a aucun souci. Faites confiance aux enfants, ils arrivent à gérer et l'école et une activité scolaire ailleurs. Défi sport sur Fadjet. Alors c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés, merci à nos trois invités, Clara, Sarah et Lou, pour leur témoignage, et à la prochaine pour un nouvel épisode de Défi sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.